franceinter.com. Il est mort à Moscou en 2003, aussi discrètement qu'il a vécu. Et pourtant, cet homme, Rem Krasilnikov, a sans doute été l'un des maîtres espions les plus considérables du XXe siècle. Car c'est lui qui a manipulé les taupes qui ont provoqué les dégâts les plus importants à l'Ouest dans les années 70-80, particulièrement aux États-Unis. Et encore ne sait-on sans doute pas toute la vérité, car un mystère demeure, celui, si j'ose dire, de l'existence d'une super taupe, un agent double qui n'a jamais été officiellement découvert et qui a longtemps travaillé pour les services de l'Est, peut-être jusque dans les années 2000. Car, on le sait maintenant, et l'expulsion cet été d'une dizaine d'espions russes installés en Amérique le prouve, l'effondrement de l'Empire soviétique n'a nullement mis fin à l'espionnage entre l'Est et l'Ouest. Krasilnikov, donc. Il a excellé dans ce jeu du chat et de la souris où s'affrontent les services de renseignement. Et c'était le thème de mon dernier entretien avec M. X. Il a aussi conduit avec maestria plusieurs opérations de désinformation visant à abuser ses adversaires en les appâtant avec de faux transfuges. Car là se trouve le point faible de tous ceux qui font métier de contre-espionnage. Comment évaluer la sincérité d'un homme qui entend trahir son pays? Ne joue-t-il pas en réalité le rôle d'un cheval de Troie? Et quels moyens utiliser pour éventuellement le démasquer? Et n'est-il pas envoyé chez l'adversaire pour dissimuler d'autres trahisons en livrant de vraies fausses informations? Certes, avec la fin de la guerre froide, les rapports entre l'Est et l'Ouest ont apparemment changé de nature. Mais ces questions demeurent éternelles, ne serait-ce que parce que d'autres menaces sont apparues. Солнце вечер добрее, солнце в полудень. Изуверствует, не греет, солнце в полудень. Отрешеннее и кротче солнце к ночи. Умудреннее не хочет бить нам в очи. Простотой своей тревожит королевской. Солнце вечера дороже песнопевцу. Распинаемая тьмой ежевечерне. Солнце вечера не кланяется черни. Незавергаемый с престолу, вспомни Феба. Незавергаемый недолу смотрит в небо. О, немедленно соседний колоколенье. Быть хочу твоей последней колоколенье. Соседней колоколине. Быть хочу твоей последней колоколине. Солнце вечер добрее, солнце в пол. Солнце вечер добрее, солнце в полдень. Je l'ai dit la semaine passée, l'année 1985 a été une année horrible pour les services de renseignement américains. L'année de l'espion, comme l'ont appelé certains. Oui, parce que les Américains ont successivement perdu un grand nombre d'agents infiltrés à l'Est. Ah, une véritable épidémie. Et au siège de la CIA, on a très vite compris que seule une trahison pouvait expliquer ces catastrophes en chaîne. Une trahison à un très haut niveau. Bien sûr, parce que la taupe qui sévissait au sein de la CIA devait forcément avoir accès aux informations les plus secrètes de l'agence. Mais en même temps, ça permettait de circonscrire le nombre d'agents de haut niveau qui pouvaient avoir communication de ces dossiers. Certainement. En principe, ça facilitait le travail des responsables du contre-espionnage. Seulement, vous le savez, le verre était dans le fruit. Oui, au sein même du service de contre-espionnage. Un service dirigé par un certain Aldrich Ames, qui travaillera encore de longues années pour Moscou avant d'être démasqué. En 1994. C'est ça, je vais y revenir longuement. Car à l'Est, on a dépensé des trésors d'ingéniosité pour le protéger, faire en sorte qu'il passe aussi longtemps à travers les mailles du filet. Et ça me conduira à vous parler d'un dirigeant du KGB assez exceptionnel, Rem Krasilnikov. Enfin, n'allons pas trop vite. Je vous propose d'abord de voir dans le détail les terribles conséquences de la trahison d'Aldrich Ames. Et vous évoquez donc l'année 1985. Oui, ça commence par l'échec d'une opération dans laquelle la CIA avait placé beaucoup d'espoir. Une manœuvre très audacieuse commençait en 1979. Il s'agissait de mettre sur écoute un câble de communication souterrain reliant Moscou à l'un des centres de recherche sur les armes nucléaires. Un lieu extrêmement secret, situé au sud-ouest de la capitale. Et comment la CIA a-t-elle procédé alors ? Écoutez, je vous passe les détails techniques, mais en gros, il fallait greffer sur ce câble un dispositif très sophistiqué d'enregistrement des données qui y circulaient. Et les Américains ont opéré de la même façon sur un autre câble sous-marin, celui-là, situé dans les mers extrêmes orientales. C'est juste. Ouais. Et ça a fonctionné, là? Oui, mais en 1985, quand un agent de la CIA est allé relever la bande magnétique de l'enregistreur, il s'est aperçu que l'appareil avait été visité et que la bande magnétique était vierge. Ouais, donc le secret de l'opération avait été percé. Et il a fallu y mettre fin en toute hâte. À peu près au même moment, un colonel du GRU, le service de renseignement de l'armée rouge, en poste à Athènes et qui a été recruté 10 ans plus tôt par la CIA, reçoit l'ordre de regagner Moscou en toute urgence. Oui, on lui donne un motif ? Oui, l'un de ses fils, un élève officier, aurait des difficultés. Il réclame la présence de son père. Mais Sergueï Boran, c'est le nom de cette taupe du GRU, se méfie. Et il a raison. Oui, parce qu'il a été découvert. En effet. Et s'il était rentré en URSS, il aurait certainement été aussitôt arrêté, jugé et condamné à mort. Et qu'est-il devenu, celui-là ? Ses contacts de la CIA l'ont exfiltré vers les États-Unis. Toujours à cette époque, je vous le rappelle, le spécialiste en aéronautique, Adolf Tolkachev, disparaît de la circulation. Oui, mais lui, c'est ce que vous avez dit, aurait été un agent double. Vous m'avez bien affirmé ça la semaine passée. D'accord. Toutefois, les Américains, eux, ne le savent pas. Et ils pensent que leur taupe a été démasquée. Mais ce n'est qu'un début. Leonid Polichuk, un officier du KGB qui a trahi pour de l'argent, est lui aussi rappelé à Moscou. Dès son retour, il est aussitôt arrêté et bientôt exécuté. Et ça continue. Un certain Gennady Smetanin, tout comme Polichuk, accepte de revenir à Moscou. Il ne s'est pas méfié. Hein. Et on ne le reverra pas vivant. Puis c'est le tour d'une autre taupe, Valery Martynov, en poste à Washington. C'est l'homme qui a permis de démasquer John Walker. Mais John Walker, c'est l'espion soviétique de la Navy qui travaillait en famille. C'est ça, oui. Et bien Martynov, également rappelé à Moscou, est exécuté. Toujours en 1985. Ouais, ça commence à faire beaucoup. Ah, mais ce n'est pas fini. Deux autres taupes, Varenik et Vrontsov, connaissent le même sort. Enfin, le général du GRU à la retraite, Dimitri Polyakov, tombe lui aussi dans les mains du KGB. On en a parlé autrefois. Et si je me souviens bien de ce que vous avez dit, l'affaire est beaucoup plus embrouillée qu'il n'y paraît. Oh, c'est certain. Et on n'est même pas sûr que Polyakov ait été réellement exécuté. Ouais. J'invite les auditeurs qui n'auraient pas eu connaissance de notre entretien à consulter les archives de Rendez-vous avec X. Cependant, au milieu de cette dramatique séquence, il y a quand même une exception notable. Je veux parler d'Oleg Gordievsky. Ouais, ça, c'est la taupe du KGB qui travaillait pour les services britanniques. Oui, lui aussi a été rappelé à Moscou. Drogué, longuement interrogé, il n'a pas craqué. Et il a été dénoncé. C'est certain. Et il ne pourra plus longtemps échapper à ses inquisiteurs. Mais ceux-ci, sans doute, à cause de son rang au KGB, commettent l'erreur de le remettre provisoirement en liberté. Les Britanniques en profitent immédiatement et exfiltrent leur agent en Finlande. Ouais, caché dans un véhicule à double fond de l'ambassade britannique, oui, si enfin, je me souviens bien. Oui, vraisemblablement. Ah, vous n'êtes pas sûr? Non, non, parce que le procédé pouvait servir à nouveau et que les services britanniques n'avaient pas intérêt à divulguer la véritable méthode utilisée pour exfiltrer Gordievski. En tout cas, et c'est ce que je voulais vous dire, on a donc assisté à une véritable hécatombe en cette année 85. Mais c'était aussi dangereux pour les Soviétiques. Ah oui, parce que les Américains allaient eux aussi se lancer dans la chasse à la taupe qui avait trahi tous ses agents. Ah bah c'était obligé. Ouais. Et pour la protéger, le KGB s'est lancé dans une première opération de diversion. Rappelez-vous, l'étrange aventure du transfuge Vitali Yurchenko. Ouais, c'est l'homme qui a fait un aller-retour à Washington. Oui, après avoir choisi la liberté, comme on disait à l'époque, ce transfuge du KGB a été accueilli aux États-Unis. Et comme preuve de sa bonne foi, il a donné à ses hôtes américains les noms de deux traîtres, Lee Howard et Ronald Pelton. Et il a affirmé que c'était ces deux hommes qui étaient à l'origine des catastrophes qui venaient de s'abattre sur l'agence états-unienne. Malheureusement, ces deux taupes de la CIA avaient déjà eu le temps de fuir derrière le rideau de fer. Ouais, par conséquent, Yurchenko pouvait sans aucun risque les dénoncer. Et vous le savez, après quelques semaines passées outre-Atlantique, le soviétique a faussé compagnie à son ange gardien américain et s'est précipité à l'ambassade de l'URSS à Washington. Oui, qui a organisé son retour. Hein. Yurchenko a pu tranquillement prétendre qu'il avait été enlevé par des agents de la CIA et qu'il n'avait jamais eu l'intention de passer à l'Ouest. Résultat, la CIA a été ridiculisée avant une importante rencontre au sommet entre Reagan et Gorbatchev. Et surtout, cette malheureuse affaire a contribué à semer un peu plus de confusion au sein de l'agence américaine, qui pourtant, après tous les déboires qu'elle avait connus en cette année 1985, n'en avait guère besoin. Ouais. Yurchenko, il faut le préciser, hein, n'a pas du tout été inquiété après son retour. Hein. Ah, il a même été réhabilité. Et pour moi, c'est incontestablement la preuve que c'est un faux transfuge. Cependant, à Moscou, on craignait toujours que le responsable de la CIA ne mette tout en œuvre pour découvrir la taupe qui sévissait à l'intérieur de l'agence. Et le KGB a décidé d'ouvrir un nouveau contre-feu. La parenthèse Yurchenko ne suffisait pas. Non, non, parce que certains des agents américains dénoncés avaient été après la fuite de Howard et Pelton. Ouais, donc la CIA devait donc en conclure qu'il existait une autre taupe. Obligatoirement. Alors cette fois-ci, là, comment le KGB va-t-il agir? Oh, à peu près de la même façon. En jetant dans les pieds de la CIA un autre candidat à la défection. Erem Krasinnikov, le maître d'œuvre de la mystification, va jouer d'une façon particulièrement habile. Золото моих волос тихо переходит в седость. Не жалейте, все сбылось, все в груди слилось и спелось, спелось, как вся даль слилась, в стонущей трубе окраины, Господи, душа сбылась, умысел твой самый тайный, Господи, душа сбылась. Умысел твой самый тайный. Золото моих волос тихо переходит в седость. Не жалейте, все сбылось, все в груди слилось и спелось. Rendez-vous avec X. Traduit dans la langue des agents de la CIA, voici ce que donnent les réflexions qui surgissent lorsque, l'une après l'autre, les taupes travaillant pour les Américains sont démasquées. L'épisode est mis en scène dans le livre d'un ancien de la CIA, Milton Burden, et d'un grand journaliste, James Risen. Burden discute avec l'un de ses collègues qui lui dit « Nous avons un foutu problème ». Et comme Burden lui demande des explications, son interlocuteur lui répond, je cite, « Trop de foutues complications à la fois. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent ordinairement. On peut rater des opérations, mais pas à ce point-là, tôt. Il s'agit de l'espionnage sur le câble soviétique qui se casse la gueule. Le rappel bidon de Bohan. Stombo arrêté en même temps que Vanquish, nom de code de Tolkachev. Million, Smetatin, rappelé précipitamment de Lisbonne. Et à présent, Weig, qui se fait piéger à Moscou. Ajoutez à ça le fait que les Britanniques drivaient Gordievsky sans problème depuis des années, que nous l'avons appris au mois de mars et qu'il a été rappelé à Moscou depuis. Le KGB a soudain beaucoup trop de chance. D'après vous, est-ce que tout ça ne veut pas dire que nous avons un foutu problème ? CIA KGB, le dernier combat, le livre de Barden et Reisen a été publié en France par Albin Michel. Alors, avant de détailler le stratagème utilisé par Krasinnikov, quelques indications sur ce personnage quasi mythique qui était le principal adversaire des services occidentaux pendant de longues années. On en a même fait le modèle du fameux Carla de John le Carré. Hein. Oui, en y ajoutant quelques traits inspirés par le non moins célèbre Marcus Wolf, le patron des services est-allemands. Mais d'abord un mot sur le curieux prénom de Krasinnikov, Rem. Rem, c'est l'acronyme russe pour paix révolutionnaire. Ah, il est donc né dans une famille de bolcheviques purs et durs. Effectivement. Mmh. Et tenez-vous bien, il se mariera avec une certaine Ninel. Et alors ? Eh bien, à l'envers, Ninel, ça donne Lénine. Le palindrome de Lénine. Donc, ils ont été tous les deux élevés au lait soviétique. Absolument. Hein. Ouais. Mais c'est anecdotique. En tout cas, d'après ce qu'on a pu savoir, Krasinnikov, jusqu'à sa mort, survenue en 2003, est resté fidèle à son idéal de jeunesse. Et son parcours ? Krasinnikov, né en 1927, est d'abord le fils d'un général du NKVD. Ouais, ça, c'est la première appellation du KGB. Mmh. Hein. Et le fils va marcher sur les brisées de son père. Exactement. Mmh. Après avoir effectué ses études au prestigieux Institut des Relations Internationales, il est devenu officier de renseignement. Il est d'abord en poste à l'étranger, Canada, Liban. Il fait ses classes sur le terrain. Oui, hein. Et à Beyrouth, il peut ainsi rencontrer le plus célèbre des espions soviétiques, Kim Philby, qui retrouvera d'ailleurs à Moscou quand ce dernier viendra s'y réfugier juste avant d'être arrêté. En tout cas, sa carrière progresse rapidement et il est affecté au deuxième département du deuxième directorat, c'est-à-dire, pardonnez-moi ce langage bureaucratique, le service qui contrôle toutes les activités des agents opérant à l'étranger. Ah ben, ce qui lui a aussi permis d'acquérir une bonne connaissance des méthodes de la CIA. Et de recruter ou au moins diriger des taupes de première importance telles que Aldrich Ames ou Robert Hansen. Puis, nouvelle promotion, il prend la tête du premier département du KGB, l'un des plus considérables, puisqu'il s'occupe essentiellement de contre-espionnage. Mmh. Un personnage redouté donc. Hein. Et qui était pourtant au physique un homme affable. Un gentil grand-père russe aux cheveux blancs pour les gens qui ont eu la chance de le rencontrer à la fin de sa vie. Oui, un gentil grand-père qui envoyait quand même au poteau d'exécution les hommes qui l'arrêtaient. Et qui éventuellement les soumettait au préalable à la torture, oui, s'ils ne voulaient pas parler. Enfin, passons. Tel était donc l'homme qui allait monter une nouvelle opération d'intoxication pour protéger sa principale taupe aux États-Unis, Aldrich Ames. Je sais bien que nous avons déjà parlé ensemble de cet homme, mais enfin, quand même, un petit rappel est nécessaire, non ? Comme vous voudrez. Ames, qui a causé d'incomparables dommages aux services secrets de son pays, n'aurait jamais dû arriver au niveau où il se trouvait quand il a pris contact avec les Soviétiques. Et de la façon la plus simple qui soit, hein, ce contact-là, en frappant à la porte de l'ambassade du RSS à Washington. Oui, oui, vous simplifiez un peu, mais c'est à peu près ce qu'il a prétendu, aussi incroyable que cela paraisse. Car vous imaginez bien que les entrées de ces bâtiments diplomatiques étaient étroitement surveillées et même filmées par le FBI. Donc vous ne croyez pas trop à cette histoire, hein ? Non, non, alors le personnage Ames, il est né au début des années 40. Son père est professeur d'histoire, mais à l'occasion, c'est aussi un collaborateur des services secrets. Ah, décidément, de père en fils. Hein. Donc c'est par l'intermédiaire de son père que M s'est engagé à la CIA. Oh, sans nul doute. On l'a embauché en toute confiance. Il a fait des études ? Ah, des études très passables. Après le secondaire, il a passé 2 années à l'université. Mais il n'y a pas brillé exagérément. Ouais, c'est donc pas un sujet d'exception. Pas loin de là. Et à la CIA, il commence par occuper plusieurs postes subalternes. Je voulais dire, il végète. Oui, et sa vie privée n'est guère plus brillante. Ames a pourtant fait un beau mariage avec l'héritière d'une grande famille de la côte Est. Mais il mène une vie de patachon, boit et découche régulièrement. Tant et si bien qu'un beau jour, son épouse le quitte, non sans prendre la précaution de déménager préalablement la maison. Le voilà donc ça, là. Mais est-ce que cette vie dissipée n'attire pas l'attention sur lui, là ? L'attention de ses supérieurs, vous voulez dire ? Bah, oui, je ne sais pas, mais effectivement, ça aurait dû. pour des raisons de sécurité, un fonctionnaire d'un service de renseignement qui mène une existence aussi agitée risque de devenir une cible pour l'adversaire. Et vous pensez que ça a été le cas pour Eldridge Ames ? Encore une fois, je l'ignore. Mais le KGB devait certainement l'avoir à l'œil depuis un bout de temps. Toutefois, je crois que le grand tournant pour lui se situe en 1981. Son vrai recrutement ? C'est vraisemblable. Ouais. Donc avant la fable de l'ambassade. Oui, Ames est alors nommé à Mexico. Là, il commence, comme d'habitude, à se conduire de façon tout à fait détestable. Continue à boire. Oui, et il choisit comme compagnon de beuverie un diplomate soviétique en poste à l'ambassade de Mexico. Un type qui appartient naturellement au KGB. Par conséquent, une nouvelle fois, son attitude aurait dû attirer l'attention de ses supérieurs, car son ivrognerie est de notoriété publique. À plusieurs reprises, alors qu'il est complètement saoul, c'est la police mexicaine qui doit le ramener chez lui. Mais c'est pas très discret, en effet. Hein. Mais Ames va soudain s'amender, apparemment en tout cas. Pourquoi ? Parce qu'il fait la rencontre d'une charmante attachée d'ambassade. Américaine ? Non, colombienne. Elle se prénomme Maria del Rosario. Et c'est une universitaire brillante, issue d'une bonne famille de Bogota. Ouais. Mais d'après ce que vous avez dit, là, Ames n'a pourtant rien, lui, pour séduire une intellectuelle. Hein. Je suis d'accord, mais c'est quand même le cas. Et vous trouvez ça louche ? Oui. Et la suite montrera qu'il n'est sans doute pas tort. Enfin, n'allons pas trop vite. Ouais, attendez, ça mérite tout de même une explication, là. Cette Maria del Rosario, c'est ça, hein. Aurait quelque chose à voir avec le recrutement de Ames par le KGB ? Je n'en ai pas la preuve. Seulement l'intuition. Car Maria del Rosario n'est pas tout à fait étrangère au monde du renseignement. Ames va même la faire engager par la CIA. Ouais, pour quelle besogne, hein ? La jeune femme va être chargée d'infiltrer le cercle des étudiants cubains qui résident à Mexico. Mm-hmm. Ouais. Et entre les deux, là, que se passe-t-il ? Ils deviennent rapidement amants. Et un peu plus tard, divorcés, Ames se mariera avec Maria del Rosario. En tout cas, là, vous avez insinué que c'est cette femme qui l'a recrutée. Enfin, je le sens comme ça, c'est tout. Bon, admettons. Et quelle est la suite de sa carrière, alors ? Ames revient aux États-Unis en 1983. Et là, brusquement, tout change pour lui. On lui propose d'occuper un des postes les plus prestigieux au sein de l'agence. Un des plus sensibles aussi. C'est-à-dire le contre-espionnage. Oui, chef du contre-espionnage de la CIA. Je vous rappelle que le responsable d'un tel département est pratiquement le seul personnage à connaître non seulement l'identité des sources extérieures... Les sources extérieures, c'est-à-dire les agents opérant à l'étranger. C'est ça. Ouais. Mais aussi l'identité des agents de l'intérieur. Ah, il peut donc disposer de tous les fichiers. Alors, pratiquement, puisque son boulot consiste à chasser les taupes où qu'elles soient. Ça veut dire qu'il doit surveiller tout le monde, découvrir les failles de tel ou tel... Oui, il faut noter. Et c'est très important. Que la règle dans un service de renseignement, c'est de compartimenter les activités. Ouais, pour éviter que, justement qu'une taupe ne détruise tout l'édifice. Bien sûr. Et la seule exception, c'est justement le département chargé du contre-espionnage. Autre attribution de ce groupe très particulier, l'évaluation des transfuges. Ouais, il s'agit de déterminer si on a affaire à des vrais transfuges ou à des agents ennemis chargés de missions de désinformation. Des agents doubles, oui. Donc, dans un service de renseignement, quel qu'il soit, cette responsabilité du contre-espionnage est essentielle et écrasante. Or là, alors, on confie ce poste à un type au passé trouble, hein, et aux performances très moyennes. Et un ivrogne, je le rappelle. Et surtout un employé qui n'a exercé jusque-là que des fonctions subalternes. Alors, votre explication ? Il n'y en a que deux. Aussi troublantes l'une que l'autre. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud, sur France Inter. Le romancier Frédéric Forsyth a mis en scène Aldrich Ames dans un ouvrage intitulé « Icône ». Manifestement très bien informé des rouages des services secrets, Forsyth écrit que, pour l'adversaire, l'infiltration d'une taupe dans un groupe de contre-espionnage est l'objectif suprême, puisque c'est le seul département où on a accès à tous les dossiers et à toutes les sources. Il explique que le contre-espionnage, je cite, remplit trois principales fonctions. D'abord, il assiste et préside au débriefing des transfuges ennemis afin de déterminer s'il s'agit d'une véritable défection ou d'un plan d'infiltration machiavélique. Une greffe intelligemment menée peut représenter des années de travail stérile et de vains efforts. Ensuite, le contre-espionnage garde l'œil sur ceux de l'autre camp qui, sans avoir clairement tourné casaque, acceptent de collaborer, mais pourraient être en fait des agents doubles. Enfin, le contre-espionnage doit vérifier en permanence que son propre camp n'a pas été infiltré, ne compte pas de traîtres dans ses rangs. Deux hypothèses, avez-vous dit, pour expliquer comment le médiocre Aldrich Ames a pu arriver à la tête d'un service aussi prestigieux. La première idée qui vient à l'esprit, c'est qu'Aldrich Ames dispose dans les instances dirigeantes de l'agence d'un puissant protecteur. Un personnage au sommet de la hiérarchie qui éprouve le besoin subi, urgent, de placer Ames à ce poste. Ouais, une sorte de parrain aux motivations troubles. C'est évident. Un protecteur qui entend ainsi dissimuler ses propres turpitudes. Avec Ames à la tête du contre-espionnage, il est désormais tranquille. Ouais. Bon, et la deuxième explication ? Ouais, elle n'est pas forcément contradictoire avec la première. Si Ames est nommé à un poste aussi important, c'est qu'il a soudain fait la preuve de ses compétences. Quoi, après tant d'années de médiocrité ? Eh oui, imaginez que l'agent Ames ait procuré à ses chefs des informations de première main sur l'adversaire de l'Est. D'un seul coup, Ames grimpe dans l'estime de ses chefs. Et quand il s'agit de nommer un nouveau patron du contre-espionnage, grâce à ses récents exploits, bah, il figure dans la liste des postulants. Bah, reste à savoir, enfin, si vous avez raison, hein. Comment il a obtenu ces informations de première main ? Ah bah, c'est effectivement la question la plus intéressante. Et pour moi, il n'y a qu'une explication possible. C'est qu'on lui a apporté ces informations sur un plateau. Pour le faire grimper dans la hiérarchie ? Oui, dans ce seul but. Mais qui a ? Bah, le KGB, bien sûr. Ah bon ? Même si ces informations étaient susceptibles de nuire à l'URSS ? Ah bah, si on veut faire une bonne pêche, il faut parfois rejeter à la mer quelques petits poissons qui servent d'appât, non ? Ouais, pour empêcher de plus gros. Exactement. Et pour moi, c'est la preuve que le recrutement d'Aldrich Ames en 1985 est une farce. Et pourquoi alors ? Parce que Ames est nommé à la tête du contre-espionnage en 1983, 2 ans avant 1985, l'année où, désargenté, il aurait pris le risque d'aller se présenter à l'ambassade soviétique de Washington. Ouais, ce qu'il racontera après, son arrestation. Dissimuler la vérité sur les conditions exactes de son recrutement. Ah, et peut-être aussi protéger alors ce mystérieux parrain dont vous avez parlé. C'est probable. Alors, retournons un instant derrière le rideau de fer. Le recrutement d'Aldrich Ames, quelles qu'en aient été les modalités, est un succès formidable pour le KGB et Rem Krasilnikov. Et ça va permettre de liquider un certain nombre d'agents occidentaux infiltrés à l'Est. Ah ben en même temps, c'est risqué, parce que la CIA ne va pas manquer de chercher qui a pu trahir et dénoncer ces hommes. Alors Ames peut donc courir un danger, c'est ça ? D'où la décision de Krasilnikov d'allumer un contre-feu. C'est l'objectif de l'opération Fantôme. Fantôme, ça. Et ça consiste en quoi, hein ? Le KGB a choisi un certain Sacha Jomov pour jouer un rôle de transfuge. Et pour être crédible, il subit un véritable entraînement. Et ce Jomov, là, d'où vient-il, hein ? C'est un officier du 2e directorat du KGB, la section qui s'occupe des États-Unis. Pour la CIA, c'est un appât d'importance. Posséder une taupe dans ce service pourrait permettre de déjouer les manœuvres des plus secrètes du KGB. Et comment ce Jomov là, va-t-il se débrouiller pour prendre contact avec les Américains ? Je vous rappelle que le scénario a été écrit par Krasilnikov. Il est donc particulièrement subtil. Et ça commence par une scène classique des romans d'espionnage. Un jour de mai 1987. Dans le train de nuit, Moscou-Léningrad, un agent de la CIA très expérimenté, Jack Downey, voyage en famille. Au cours de la nuit, il éprouve le besoin d'allumer une cigarette et gagne la voiture de queue où l'on peut fumer à l'air libre sur la plateforme. Et soudain, un jeune homme s'approche de lui et le hèle par son prénom. Réaction de Downey ? Il est presque sûr d'avoir affaire à un type du KGB. Mais il ne s'inquiète pas car il bénéficie d'un statut diplomatique. L'homme engage la conversation ? Non, mais il glisse une lettre dans sa main et il disparaît. Toutefois, Downey attend d'être arrivé à destination pour prendre connaissance du contenu de l'enveloppe. Alors, qu'y trouve-t-il ? Bah, d'abord, une photo de lui-même et de sa famille, entrant dans une station de métro à Moscou. Oui, ça, c'est la preuve que ce type appartient à un service. Oui. Comme on voit de la neige sur la photo, Downey comprend qu'elle a été prise quelques mois auparavant. Et puis, il y a une lettre. L'homme, qui prétend s'appeler Edwin, affirme qu'il travaille au deuxième directorat du KGB et qu'il veut faire défection et trouver refuge aux États-Unis. Donne une raison. La même que celle qui est invoquée par tous les candidats transfuges. Ils ne supportent plus le régime soviétique. Ouais. Et la suite, alors bah, j'imagine que les Américains là, doivent être intéressés, enfin, tout en se méfiant, bien sûr. Naturellement, parce qu'ils ont été plusieurs fois échaudés. Donc, ils avancent prudemment. D'autres rencontres ont lieu, toujours à bord du train Moscou-Léningrad. Le nommé Edwin, auquel la CIA va attribuer le nom de code de prologue, déclare qu'il est prêt à faire de nombreuses révélations, mais seulement lorsqu'il se trouvera au-delà du rideau de fer. Ouais, en Amérique. Oui, la communication entre Prologue et les gens de la CIA se poursuit traditionnellement grâce au système des boîtes aux lettres mortes. Et les mois passent. À la CIA, on a maintenant la conviction que ce candidat à la défection est sincère ? Je le crois. Et je vous l'ai dit, Prologue peut être une formidable source de renseignements. Bah, il serait peut-être encore plus intéressant s'il acceptait de rester en URSS. C'est vrai, mais il ne veut rien savoir, il veut partir à tout prix. Au fait, enfin, je crois que c'est évident, hein. Prologue, là, c'est ce Jomov formé par Kresennikov. Bien sûr. Donc, pour satisfaire aux exigences de Prologue, les Américains préparent minutieusement son exfiltration. Bon, je résume à grands traits. En juin 1990, ils introduisent en URSS un des leurs qui ressemble physiquement à Prologue. Ce personnage est entré sur le territoire soviétique sous une fausse identité, mais avec des papiers insoupçonnables. Puis il sort de l'URSS sous sa vraie identité. Ah oui, je vois là. Et son faux passeport va être remis à Prologue qui pourra à son tour quitter son pays sans encombre. C'est ça. Mais Prologue ne se présentera jamais au rendez-vous que lui ont fixé les agents de la CIA en Finlande. Alors que s'est-il passé ? Il le dira un peu plus tard à son contact de la CIA. Il a appris que le KGB avait décelé la ruse. Le sosie de Prologue était bien connu des services soviétiques. Il leur avait suffi de consulter leurs archives pour éventer la mystification. Et Prologue se dit furieux. Mais oui, mais tout ça c'est du cinéma. Bien entendu. Les employeurs de Jomov veulent seulement accroître encore un peu plus la crédibilité de leur marionnette. Ouais. La CIA doit donc trouver un autre moyen de faire passer Prologue à l'Ouest. Oui, mais en URSS, vous le savez, les événements vont se précipiter. Ah ouais, on est bientôt proche de la fin, là. Et l'effondrement de l'Empire soviétique en 1991 aura raison de toute cette histoire. Mais au fond, alors, quel était le véritable objectif poursuivi par Krasilnikov ? Je crois qu'il voulait vraiment introduire au cœur de la CIA un faux transfuge qui aurait pu miner de l'intérieur le travail de l'agence et qui aurait surtout permis à Ames d'échapper aux soupçons. À Ames, mais aussi à un autre homme. Ah oui, là, son parrain, comme vous avez dit. Alors revenons à Aldrich Ames. Officiellement, c'est son train de vie qui a éveillé les soupçons. Mais il faut aussi bien vous rendre compte que l'activité de la taupe de la CIA ne s'est pas arrêtée avec la dénonciation des espions américains. Oui. En 1985, là. Il a continué. Bien évidemment. Ouais. Et il a été responsable de l'échec de plusieurs dizaines d'opérations de l'agence. Il a aussi vraisemblablement participé à de nombreuses manœuvres de désinformation. Alors c'est pour ça qu'on a recommencé à chercher qui était la taupe. Oui. Ouais. Et les soupçons se sont portés sur lui. Ah oui, mais pas simplement sur lui. Et son protecteur. Exactement. Et les Russes, puisque ça s'est passé après l'effondrement de l'URSS, ont fait la part du feu. C'est-à-dire ? Ils ont sacrifié Ames pour protéger l'autre, qui avait à leurs yeux beaucoup plus d'importance. Et puis Ames, qui multipliait les imprudences, comme je vous l'ai expliqué, était de toute évidence condamné à terme. Donc selon vous, alors, ce sont les Russes qui ont donné Aldrich Ames. Parfaitement. Parfois, dans le monde du renseignement, comme dans la vie, il faut faire des choix drastiques. C'est ce qu'ont fait les Russes. Et sans état d'âme, je vous prie de le croire. Quant aux Américains, bah, ils sont entrés dans leur jeu. Ah, ça, c'est le plus surprenant, là. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Il soupçonnait qu'un autre homme se trouvait au-dessus d'Aldrich Ames. Mais pour ne pas provoquer un scandale encore plus considérable, ils ont faim de croire que M, c'était la seule taupe. Mais et l'autre, alors ? La grosse taupe ? Eh bien, selon toute vraisemblance, il doit couler aujourd'hui la vie paisible d'un retraité. Attendez, là, c'est une hypothèse personnelle ou d'autres que vous ont soupçonné l'existence de cette taupe qui n'a jamais été démasquée ? Ah, je ne suis pas le seul, en effet. Et je vous explique pourquoi. Quand il y a des fuites aussi considérables, fuites qui ont abouti, je vous le rappelle, au démantèlement du réseau américain à l'Est, on reprend longuement les dossiers, on décortique, on compare les dates. C'est long, fastidieux, mais c'est la seule façon de procéder. Or, en faisant ces recoupements, les analystes de la CIA ont acquis la conviction que Aldrich Ames, à lui seul, n'avait pas pu dénoncer tous les agents américains arrêtés par le KGB. Ah, donc il y avait une autre taupe. Mais alors c'était peut-être cet agent du FBI, là, Robert Hansen, qui sera découvert, lui, qu'au début des années 2000. Impossible. Hansen était un agent du FBI. Il ne pouvait pas avoir accès au dossier de la CIA. Ouais. Et cette grosse taupe, là, comme vous dites, vous avez une idée de son identité ? J'ai des soupçons. Je ne peux pas en dire plus. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il a été identifié et que pour éviter de traumatiser à nouveau une agence déjà bien malmenée, on l'a invité à prendre sa retraite. Mmh. Bon, une dernière question alors. Pourquoi Ames, après avoir été arrêté, n'a pas dénoncé son protecteur ? Ben, parce qu'il ne savait peut-être pas qui il était. La grosse taupe n'avait nul besoin de se faire connaître pour agir dans l'ombre et manipuler à sa guise Aldrich Ames. Ou bien alors, Ames a craint pour sa vie, allez savoir. Même la prison ne met pas à l'abri de la détermination d'un service secret décidé à éliminer un bavard. Pour terminer, comme d'habitude, des livres d'Andrei Kosovoy, le dictionnaire d'histoire et de civilisation russe chez Ellipse. Au Nouveau Monde, l'histoire secrète du XXe siècle de Ivonique de Noël, un recueil des meilleures mémoires d'espions et parmi lesquelles on trouve un texte inédit de Rem Krasilnikov destiné à l'instruction des futurs espions, une sorte de passage de relais en somme entre l'ancien KGB et les nouveaux services de renseignement russes. Autant de titres dont vous trouverez les références sur franceinter.com, un site, vous le savez bien, qui vous permettra aussi de réécouter cette émission et même de nous adresser du courrier. À samedi prochain, Rebecca Donnant a préparé cette émission réalisée par Michel Biou avec quelques petites notes de Monsieur Djoub. Tout de suite, après les informations, un peu de nature. C'est au de mon amour de Denis Chessou.